Radio GECOM Web, la première radio en ligne du Sénégal oriental. GECOM, l'information autrement. Vous écoutez GECOM Média. Oui, c'est Hassan Mbeng, secrétaire général de l'inspection d'académie de Tambacounda. Oui, nous sommes en train de préparer cette rentrée, surtout en rapport avec les 5 priorités du ministère de l'Éducation nationale, qui sont articulées autour de ces 5 points que je vais citer tout à l'heure. Le premier point, c'est la promotion d'un climat social apaisé dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et le deuxième point, c'est le renforcement de l'efficacité et de l'efficience dans le système éducatif. Et comme troisième point, nous avons le renforcement des capacités des enseignants et la qualité du pilotage du système. Quatrième point, il faut assurer à tous une éducation de base de qualité. Enfin, le cinquième point, c'est la systématisation de l'éducation aux valeurs. Et pour chacun de ces points-là, je pense que l'inspection d'académie a pour mission de mener à bien, en tout cas, toutes les actions qui doivent être, qui vont structurer, en tout cas, l'atteinte de ces objectifs qui sont fixés dans le cadre de ces 5 priorités-là. D'abord, un climat social apaisé. Vous savez que nous avons des partenaires, et particulièrement les responsables syndicaux, notamment le groupe des G7, qui sont les syndicats les plus représentatifs. Nous allons vers une rencontre qui va regrouper l'inspection d'académie, en tout cas les services déconcentrés, les IF, l'IA et tous les représentants des syndicats d'enseignants, pour qu'enfin nous connaissions une année scolaire apaisée, sans aucune perturbation, parce que l'année est déjà tronquée. Comme vous savez, nous allons démarrer au mois de novembre, alors qu'on avait l'habitude de démarrer en octobre. Et donc, aucun retard, aucune perturbation ne doit être ni permise pour cette rentrée-là. C'est pourquoi, véritablement, nous devons assurer la paix sociale dans l'espace scolaire. L'efficacité et l'efficience du système aussi, c'est un point extrêmement important. Nous voulons un système efficace et nous voulons un système efficient. Alors, l'efficience voudrait dire tout simplement qu'on mette le moins de ressources possible, en tout cas pour atteindre tous les objectifs assignés en tout cas aux responsables d'éducation au niveau de la région. Et pour ça, il faut véritablement revoir un peu, surtout pour ce qui concerne la gestion des personnels de l'éducation. Vous savez que nous sommes véritablement une zone de départ, on a connu beaucoup de départs cette année, mais pour autant, ça ne doit pas impacter de manière négative sur le développement des enseignements-apprentissage. Et il faut donc aller vers l'efficience. On aura peu de personnel, en tout cas un personnel réduit, mais pour autant, les objectifs en tout cas qui sont assignés doivent être maintenus si on ne peut pas les renforcer. Voilà, ça aussi c'est un point extrêmement important. Et pour ça aussi, je pense que c'est corrélé au troisième point, qui est relatif au renforcement de capacité des enseignants. Alors, nous sommes dans une série de formations. On prépare donc des formations pour les enseignants. Et en cela, le ministère même va certainement appuyer, parce qu'il y a des formations qui sont en vue et qui doivent être pilotées par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, à travers les directions, notamment la DFC, direction de la formation et de la communication, à travers la direction de l'enseignement alimentaire et même la DMCG, direction de l'enseignement moyen secondaire, toutes ces directions-là ont dans leur feuille de route prévu de former les enseignants pour cette année. Et un autre point aussi, assurer à tous une éducation de base de qualité. Ça aussi, je pense que c'est lié à ce troisième point-là. Si les enseignants ne sont pas bien formés, il ne faut pas s'attendre à de la qualité dans le système éducatif. C'est pourquoi je pense qu'ils ont mis l'accent dans ce domaine-là pour la formation des enseignants. Et c'est une formation surtout continue. En plus de la formation initiale qu'ils reçoivent, il faut une formation continue. Donc, il faut un accompagnement de ces enseignants-là sur le terrain. Mais la systématisation maintenant de l'éducation aux valeurs, ça, on l'a entamé depuis des années, mais nous allons renforcer quand même cette systématisation-là de l'éducation aux valeurs en faisant de sorte que, en tout cas, les valeurs qui fondent un peu notre société, les bonnes valeurs, soient enseignées dans les écoles et soient partagées avec l'ensemble des acteurs. Voilà un peu comment donc nous préparons cette rentrée scolaire 2020-2021. Voilà, il y a un grand déficit, ça quand même nous reconnaissons. Et c'est lié simplement à la particularité de notre région qui, depuis très longtemps, constitue une zone de départ, une région périphérique. Les enseignants ne durent pas trop longtemps ici parce qu'ils ont aussi des ambitions. C'est des gens qui veulent aller dans les grandes capitales pour poursuivre leurs études, surtout là où on retrouve des universités hein, pour l'enseignement supérieur. Et je pense que c'est le principal motif, en tout cas, de leur départ. C'est la raison principale qui fonde un peu, explique le départ de ces enseignants-là. Mais pour autant, nous ne devons pas encore, nous ne devons pas rester là, les bras croisés, sans trouver des stratégies. Et les stratégies que nous allons trouver, c'est d'ordre pédagogique, hein, c'est de faire en sorte que, en tout cas, l'enseignement d'aucune discipline ne soit bloqué faute de professeurs ou de maîtres. Et pour ça, nous avons en tout cas mis en place des dispositifs qui vont nous permettre d'utiliser les professeurs là que nous avons de manière très efficiente et que des cours ne vaquent pas parce qu'il y a une absence ou un déficit de professeurs pour telle ou telle discipline. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que si tout va bien, bientôt nous allons démarrer les enseignements. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que nous avons anticipé sur ces questions-là et qui ne sont pas aussi des questions nouvelles parce qu'on a toujours été confronté à ce problème-là de départ d'enseignants, surtout à la suite des mouvements, le mouvement national et le mouvement régional. Et voilà donc que nous sommes préparés à ça et je pense qu'il n'y aura pas de problème majeur. Ah oui, ça, il y a un protocole sanitaire qui est mis en place, donc qui a été édicté par le ministère de l'Éducation nationale avec le regard technique du ministère de la Santé qui l'a validé. Et ce protocole-là, c'est un peu celui que nous avions lors de la reprise du 25 juin. Alors, mais le contexte ayant évolué un peu, évidemment, le protocole a été retouché, mais il tient toujours, en tout cas, au respect, en tout cas, surtout de la distanciation physique dans les écoles, dans les classes. En tout cas, au respect de toutes ces mesures barrières-là qui sont édictées, le protocole y revient largement. Et je pense que l'Académie se prépare au respect strict de ce protocole-là au niveau de nos établissements scolaires. Et sur ce, je pense que nous avons déjà commencé à distribuer les masques pour les élèves et pour les enseignants. Évidemment, nous n'avons pas encore atteint le besoin que nous avions exprimé. Mais quand même, ce n'est qu'un départ. L'école va démarrer peut-être bientôt. Et au cours de l'année, certainement, on aura des appuis consistants qui feront qu'on n'aura plus de besoin en masque. Mais pour le moment, il faut retenir que nous avons reçu un certain nombre de masques. Je pense que ce qui tourne autour de 68 000 masques, mais qui est minime par rapport aux besoins que nous avions exprimés. Pour les lave-mains, les dispositifs de lavage des mains aussi, on en a reçu, mais même si ça reste insuffisant. Donc pour tous ces matériels-là de protection, je pense que l'État a quand même procédé à une première dotation, une dotation qui semble insuffisante, mais à mon avis qui va être complétée au fur et à mesure que nous avancions. Plus maintenant, les partenaires qui nous ont appuyés lors de la reprise du 25 et qui nous suivent de très près et à qui aussi nous avons adressé des correspondances et qui certainement ne manqueront pas de réagir pour nous aider à un respect strict de ce protocole sanitaire-là. Radio GECOM Web, la première radio en ligne du Sénégal oriental. GECOM, l'information autrement. Vous écoutez GECOM Média.